Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me permets de faire une petite annonce sur un épisode un peu spécial là qui va durer en réalité que quelques minutes, mais c'est pour faire cette annonce qui me tient à cœur et qui marque un temps important pour moi puisque c'est la sortie de mon nouveau livre Mon métier aura du sens le 21 février chez Vuibert. Partout en France, mais en fait partout dans les pays francophones, puisqu'il sera aussi disponible en Suisse, en Belgique et au Canada. Ça fait maintenant plus d'une année que je travaille concrètement à la réalisation de ce livre, et en réalité depuis plusieurs années quand j'y pense, puisque depuis que le podcast 2030 Glorieuse a été lancé, j'ai en tête cette possibilité, en tout cas au début c'était un rêve et j'ai eu la chance de le concrétiser, ce rêve, de proposer un livre qui donnerait à voir des métiers vraiment enthousiasmants, qui nous permettraient de nous mettre à la hauteur des enjeux du 21e siècle. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous vous êtes infligé ce supplice d'aller parcourir les classeurs de l'ONICEP à l'époque, quand vous étiez au lycée ou à la fac, en train de vous poser la question du métier que vous feriez quand vous serez grand ou grande. Moi, j'ai fait ce jeu-là et malheureusement, je vous avoue que ça m'a pas vraiment vendu du rêve, même au contraire, ça m'a un peu fait flipper cet exercice-là, puisque les fiches métiers étaient, on va le dire gentiment, très arides, très sèches, et donnaient pas beaucoup envie de se projeter dans la vie professionnelle. Et moi, depuis 3 ans maintenant que je donne la parole aux personnes qui font les métiers des 2030 glorieuses et que je vois à quel point elles sont passionnées et passionnantes, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire de cette ressource précieuse qui malheureusement n'est pas suffisamment connu par soit les personnes qui n'ont pas encore fait le choix de leur future orientation professionnelle, soit par les personnes qui souhaiteraient justement bifurquer parce qu'elles ont envie de donner plus de sens à leur vie professionnelle et qu'elles n'ont pour l'instant pas réussi à concrétiser cette envie. Et donc, dans Mon métier aura du sens, vous allez trouver un livre avec plein de portes d'entrée. Il y a des infographies sur les constats de l'urgence à agir, mais aussi sur toutes les alternatives qui nous attendent. Il y a des interviews d'expertes et d'experts qui nous permettent de nous rendre compte à quel point on va pouvoir, grâce à nos métiers, réorienter l'économie vers les enjeux de notre 21e siècle. Et il y a donc, avec en fil conducteur, l'évolution de mon parcours professionnel, mes questionnements individuels et à chaque fois les différents leviers que j'ai utilisés pour donner du sens à ma vie professionnelle, 4 propositions à l'économie capitaliste que nous connaissons aujourd'hui, avec une économie qui permettrait de faire moins avec mieux, une économie qui permettrait de recréer du lien avec les autres, une économie qui permettrait de régénérer le vivant et une économie qui nous permettrait de redonner beaucoup plus de place à nos rêves. Et à chaque fois, dans chacune de ces perspectives que j'ouvre, il y a une dizaine de fiches métiers pour personnifier, incarner ces perspectives économiques avec des possibilités de métiers très concrètes qui sont justement déjà existantes en 2023 et qui en fait existaient même avant, puisque ce sont des personnes à qui j'ai donné la parole dans le podcast 2030 Glorieuse qui ont accepté de se prêter au jeu, de remplir des fiches dans lesquelles je posais des questions un peu ciblées et qui du coup permettent d'avoir ce livre à mon sens unique pour dire à toutes ces personnes qui veulent redonner du sens à leur métier, c'est possible, ça existe, il n'y a rien besoin d'inventer, au contraire, tout est là. Pas besoin forcément d'entreprendre, pas besoin forcément de rejoindre la capitale. Au contraire, avec tous vos talents, vos envies, vos expériences, vos savoirs, vos potentiels, vos spécificités, quel que soit votre âge et l'endroit où vous vivez, il est possible, bac-5 au bac+5, de redonner du sens à votre métier. Et dans ce sens-là, justement, je tends pas mal de perches pour montrer qu'en fait, grâce à nos métiers, nous allons permettre justement de remettre dans le bon sens. Je tourne encore une fois autour de cette idée du sens, mais donc donc de remettre dans le bon sens à la fois notre économie et forcément donc notre société. On organise la soirée de lancement du livre le 22 février à la Recyclerie dans le 18e arrondissement à Paris à 19h. Les inscriptions sont obligatoires et possibles, vous trouverez facilement les informations sur les réseaux sociaux de Ça commence par moi, et on va très rapidement organiser d'autres rencontres autour de ce livre « Mon métier aura du sens ». Il y en a une prévue par exemple le 3 février à Toulouse, une le 4 à Lyon, de mémoire il y en aura une le 21 mars au Mans, le 22 mars à Paris, et plein d'autres dates sont actuellement en train d'être calées. Voilà. Si vous avez des questions concernant le bouquin, si vous avez envie de le remettre dans les mains de votre entourage qui se pose ces questions, forcément je vous attends et je vous dis merci. Et puis on continue avec le podcast 2030 Glorieuse sur notre lancée pour mettre en avant tous ces métiers dont je pensais qu'en fait ils étaient peut-être quelques dizaines, mais dont je me rends compte qu'en fait ils sont plusieurs centaines, ces opportunités de métiers qui vont nous permettre de mettre la France à la hauteur des enjeux de notre siècle. Je me suis un peu emballé, je suis désolé, mais je suis tellement fier de cette sortie-là, de cet accouchement-là, et j'ai surtout hâte d'utiliser le prétexte du livre pour aller à votre rencontre et permettre de déployer plus largement les 2030 Glorieuses. Je vous dis donc merci pour votre soutien et à très vite. Salut !